là, on est en train d'arriver devant le lycée Marcel Samba. Il y a des drapeaux de la CGT, de Sud. Il y a des gilets jaunes. Il y a d'autres drapeaux encore que je repère pas bien. Ça va ? Ouais. Il y a des étudiants aussi de Mont-Saint-Aignan qui sont là. Il y a des gens de l'hôpital du Rouvray à Sotteville, Sud donc. Il y a donc la police devant la grille. Avec une personne que je suppose être la directrice, hein, qui barre la grille. Une banderole Samba en grève qui est tenue par deux personnes. Et avec un panneau, le bac local, ce sera sans moi. Vous voulez expliquer, le bac local, ce sera sans moi ? Alors, je parle de bac local par rapport au fait que, clairement, au niveau des E3C qui sont prévus, entre les choix des sujets qui vont être différents selon les établissements, le fait que l'organisation soit locale, on nous demande d'organiser ces épreuves en conditions examen. Alors qu'on nous dit aussi qu'il ne s'agit pas d'examen mais d'épreuves, d'évaluation, enfin il y a tout ce flou autour de la signification réelle de ces épreuves, leur prise en compte aussi dans la moyenne. Le local se situe aussi par rapport à l'organisation à l'interne, la correction qui va être différente selon les établissements, selon les matières. Tout ça crée en fait des différences qui, pour nous font craindre un baccalauréat avec une étiquette qui soit différente selon les établissements, selon les endroits où les élèves auront suivi leur formation initiale. Voilà. Votre prénom, c'est quoi ? Amandine. Merci. Ce qui est réjouissant, c'est que partout dans ce pays, il y a des gens qui se mobilisent. Vous savez que la semaine dernière, les rectorats ont été occupés. Vous savez que dans un certain nombre de lycées, les épreuves n'ont pas pu avoir lieu. Et puis vous savez aussi que dans ce pays, il y a des chefs d'établissement courageux. Dans ce pays, il y a des chefs d'établissement courageux qui disent tout le mal qu'ils pensent de ces épreuves et qui le disent publiquement. Mais il y a aussi des gens serviles qui font appliquer servilement des choses qui sont inacceptables. Donc ça, c'est très bien de savoir que dans ce pays, il y a encore des gens libres et qui relèvent la tête et qui ont la tête debout. Tout le monde n'est pas servile et ça, pour l'avenir, c'est très encourageant. Et puis, il y a aussi, vous le savez... Qui dit ça en s'adressant à ses collègues qui sont venus pour... Il y a des lycées qui n'ont pas peur de leur réputation, qui pour sont protester le contre Paris, la protestation, qui sont pour le empêcher la mobilisation. Paris, qui sont le lycée Henri IV à Paris. Ces lycées n'ont pas peur de mettre en jeu leur réputation et sont en grève reconductible. Donc le chantage à la réputation, le chantage sur les personnels, ce sont des choses qui marchent de moins en moins. Et en particulier le chantage sur les personnels les plus précaires et le chantage sur les lycéens, ce sont des choses qui marchent de moins en moins. Donc ça marche de moins en moins aussi au lycée Marcel Samba et c'est pour ça que nous sommes là pour le dire aujourd'hui. On espère qu'il n'y aura évidemment pas de sanctions parce qu'il faut savoir qu'il y a des pressions fortes qui ont été faites, en particulier vis-à-vis de nos personnels les plus précaires, vis-à-vis desquels on sera d'une solidarité totale et vis-à-vis desquels les syndicats au niveau de l'agglomération et au niveau national sont au courant. Alors c'est toujours dommage que la police bloque l'établissement. Personne ne voulait bloquer aujourd'hui, mais le parvis est bloqué. Vous voyez, c'est quand même très très dommage que la police elle-même bloque l'établissement. On se demande par qui ils ont été requis, qui a demandé leur présence. C'est dommage de voir dans ce pays de liberté des gens qui font appel à la police pour que des épreuves aient lieu. Qui a bien pu faire ça ? On se le demande. bosser pour toi, je bosse pas déjà pour toi. Blanquer, ministre autoritaire. Alors je vais compléter les drapeaux des syndicats que j'ai vus. Naturellement, il y a beaucoup la FSU qui est très présente. Il y a également le NPA, il y a FO. On va pas bosser pour toi. J'en oublie certainement d'autres. En tout cas, il y a beaucoup de monde. Au niveau des. Et à la gauche révolutionnaire. Entre les E3C, on rappelle bien évidemment que demain, il y a d'ores et déjà prévu une mobilisation autour du lycée Ferdinand Buisson à Elbeuf. Donc le rendez-vous, voilà, on vous le communique pour celles et ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, donc la bagarre en fait sur les E3C, elle démarre aujourd'hui, mais elle va évidemment se prolonger toute la semaine et bien au-delà. Partout en France, en fait, voilà, ça bouge et ça grippe la machine de Blanquer. Il y a un appel d'ailleurs de la coordination nationale des établissements en lutte qui s'est donc réunie hier à Paris, qui appelle à amplifier la mobilisation contre toutes les réformes évidemment gouvernementales, que ce soit celle sur la retraite à points ou les E3C. Donc bien évidemment, on rentre dans une nouvelle semaine de mobilisation. J'en profite qu'on soit nombreux ce matin pour rappeler évidemment un rendez-vous très important pour nous, le personnel de l'éducation nationale. Donc 16h devant le rectorat tout à l'heure. Hein, on ira montrer là aussi notre détermination et notre colère devant le rectorat. Je rappelle aussi qu'il y a plein d'autres actions qui sont prévues cette semaine. Alors effectivement, comme le dit Marie, en fait les combats sont liés. C'est le bradage de nos droits, c'est le bradage de nos vies contre lesquelles on est, contre les logiques financières. Il faut savoir qu'au lycée comme dans l'éducation, c'est les logiques financières qui priment, c'est pas l'intérêt de l'élève, hein, vous savez, ça, c'est vraiment quelque chose qui passe en dernier. Évidemment, c'est pas l'intérêt des profs ni leur salaire, c'est pas leur condition de vie. Quand on enseigne à 35 élèves par classe, ben, vous savez, l'intérêt de l'élève ou l'intérêt des collègues, on voit bien que c'est quelque chose qui est vraiment complètement secondaire. C'est comme l'intérêt des retraités, l'intérêt des travailleurs qui passent au dernier. Donc nos luttes, elles sont effectivement complètement solidaires. Elles sont contre cette société d'injustice et c'est évidemment ce qu'on veut dire ensemble aujourd'hui. Là, vous avez un panneau avec Blanquer en train de fabriquer des confitures sur lesquelles il est marqué « bac, bac, bac ». Il dit « tout est fait maison ». Bah oui, pardon. Tout est fait maison, c'est-à-dire qu'auparavant, les épreuves étaient préparées par des gens. Aujourd'hui, on doit tout préparer sans être payé. On doit tout corriger sans être payé non plus. Donc là, se pose toujours la question du cas de salaire dans l'éducation nationale. Il faut savoir que le point d'indice est gelé depuis des années. Les augmentations prévues de 10 milliards, par exemple, c'est sur 17 ans, ça revient aux 400 millions dont les médias avaient rigolé. Ça fait, les profs ont sorti les calculettes, 60 euros par mois par prof. Là, le salaire est une grande question et je pense que les manifestations actuelles, elles y sont pour quelque chose. Ce qu'on trame de fond, c'est les salaires aussi. Le plus beau métier du monde, mais payé 1,2 fois le SMIC quand on démarre, pour 5 ans d'études, c'est quand même une honte. Votre prénom, c'est quoi ? Thomas. Merci. Ça, médiatiquement, ça va se savoir, c'est quelque chose de très intéressant pour la réputation de l'établissement et pour la réputation des gens qui l'auront reconnu. Ah, c'est plus seulement la municipale. C'est les Robocop qui arrivent là-bas. Attention, le personnel hautement hiérarchique de cet établissement qui pense que c'est comme ça qu'il va rétablir le dialogue avec les collègues. Avec les parents d'élèves, avec les enseignants d'une manière générale, bravo, vous manquez vraiment de sang-froid, Madame la proviseure. Yeah. l'éducation en rabais, contre l'éducation sous la surveillance policière. Restons déterminés. Vous pensez sérieusement que ces gens-là peuvent surveiller des épreuves de bac? Non. Cassez-vous. L'éducation n'est pas votre territoire. Partez. Personne ne bloque ici. Nous sommes sur un parvis, personne ne bloque ni la circulation, ni les élèves. Madame la proviseure a des mirages. Ils sont habillés là-bas, ils nous attendent. Courtois, je suppose que c'est le nom de la directrice. Hein. Ouais. Donc là, pendant ce temps-là, il y a les profs, les syndicalistes, les soutiens, gilets jaunes, tout le monde fait une grande chaîne humaine devant le lycée Samba, mais sans bloquer non plus. Voilà, on va se battre maintenant jusqu'au bout de l'éducation. Cheminots, salariés du privé, retraités, jeunes, on est tous et toutes ensemble et c'est comme ça qu'on va gagner. Et tous ensemble. Alors maintenant, voilà, les élèves, c'est la version 2020 du bac Blanquer. Les élèves passent les épreuves sous la surveillance policière. Voilà, donc maintenant, l'éducation nationale n'embauche plus ni des profs, ni des infirmières, ni des conseillers d'orientation, ni des collègues pour faire de l'enseignement, mais en fait appelle la police pour assurer donc, la surveillance auprès des établissements scolaires. On peut payer pour ça, Marie, les policiers, parce que pour nous, il n'y a pas de sous. Alors il paraît qu'ils sont bien payés et qu'ils ont en plus sauvegardé leur régime de retraite. Voilà. Oui, ils ont sauvegardé leur régime de retraite. Effectivement, alors que nous, c'est pas le cas, donc c'est pour ça qu'on va continuer à se battre. Voilà, mais vous pouvez repartir, hein, voilà. À moins que vous vouliez corriger les copies aussi. Mais en fait, d'habitude, on n'a pas tellement confiance dans la manière d'écrire. Voilà, et comme je le disais tout à l'heure, ils sont plus habitués à faire rentrer les idées dans la tête des gens de manière assez brutale, alors que nous, bon, voilà, on a un petit peu d'autres méthodes. Voilà, donc ça serait bien que vous repartiez avec votre petite voiture. Voilà, c'est bien. Allez, à la maison. Hop. Bon, il y en a quelques-uns qui repartent, des policiers, ouais, effectivement, bien. Et d'autres qui restent en faction. C'est sympa le filtrage des entrées par la police. Tout à fait, c'est inédit en fait. Voilà, mais c'est nouvelle formule du bac. Je sais pas comment dire ça parce qu'en fait nous voilà on était conscients en fait de ça et je pense que c'est une démonstration en fait de faiblesse terrible de la part de ce gouvernement. Voilà, être obligé d'envoyer la police pour faire passer ces nouvelles épreuves de baccalauréat, franchement c'est une démonstration sans retour pour lui quoi. Ce qui est assez hallucinant, c'est que la manifestation de samedi à Rouen, on n'a pas vu un seul flic. Voilà. Et en fait, ici, on a des Robocop quoi, pour une manif qui s'est annoncée, un rassemblement qui s'est annoncé non bloquant en plus. Tout à fait. Non, mais je pense qu'ils ont perdu un peu toute mesure. Quoi. Ils sont en stress, ça se voit, donc du coup, ils perdent un petit peu raison. Mais c'est bien, ça nous conforte dans le fait qu'il faut qu'on continue jusqu'au bout. On continue à rien lâcher. À rien lâcher. Merci, Marie. Mais je peux vous interviewer. Allez, t'es la meilleure. Vous êtes lycéenne ou vous êtes... Moi, je suis en terminale. Donc oui, je suis lycéenne du lycée Marcel Samba. Après, je ne suis pas en première, donc je ne suis pas concernée directement par les épreuves, mais ça ne m'empêche pas de militer contre. D'accord. Et vous, en tant que lycéenne, qu'est-ce que vous avez à dire justement sur ces épreuves et sur la manière dont le bac se met en place? Je pense que cette réforme, elle n'est pas forcément bénéfique pour les élèves, malgré tout ce que l'éducation nous dit et ce que l'inspection nous répète, que cette réforme est une chance. Je pense que ce n'est pas du tout le cas, parce que les conditions de passation d'épreuves sont inégalitaires. Le programme est mal compris et parfaitement maîtrisé par les professeurs et par les élèves. L'administration est à la ramasse quant au niveau de l'organisation. Enfin, bref, il n'y a rien qui va dans cette réforme. Vous appelez, votre prénom, c'est quoi ? Elimia. Et donc, vous distribuez des tracts sur lesquels il y a marqué « Éducation et retraite bradée, avenir sacrifié, non ». Tout à fait. Et c'est un tract intersyndical. Il y a plein de syndicats qui sont marqués en bas. Donc là, les élèves continuent à rentrer. Sous l'œil de la police, harnaché, en tenue de Robocop. Pendant que la directrice discute avec le policier chargé de diriger les opérations. Il y avait des élèves qui avaient un peu d'espoir qu'il n'y ait pas les examens. Ouais. Bah lui, il va avoir, même sans qu'on note 20 sur 20, il aura une très très bonne note. Bonjour. Vous êtes prof ou vous êtes mère d'élèves? Ouais, je suis parent d'élèves. Ouais. Mère d'élèves, ok. Donc il y en a qui sont mobilisés ce matin devant le lycée 120? Il y en a 3-4. Ouais, ok. Ça n'a pas l'air de se passer de manière très sereine avec la direction de cet établissement? Ben non, elle envoie les flics sur nos enfants, il y a les gens qui s'arment et qui déboulent, quoi. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre, moi je suis... Je m'en fous de cette réforme, de toute façon le bac c'est nul, celui-là il est encore plus nul. Vous avez des enfants qui sont concernés par le bac cette année ou l'année prochaine? L'année prochaine, ouais. Okay. Et pourquoi vous dites que c'est nul justement? Comment vous voyez cette réforme? Cette réforme, elle fait du bac quelque chose qui n'est plus un diplôme de fin de lycée. Et du coup, elle favorise les bons élèves. Moi, si j'avais dû passer mon bac comme ça, je l'aurais jamais eu, c'est sûr. Et puis, de toute façon, ils n'arrêtent pas de faire des réformes où ils savent pas les mettre en place, ils ne mettent pas les moyens. Du coup, les profs ne savent pas ce que c'est, les profs ne comprennent pas, les parents ne comprennent pas, les élèves ne comprennent pas ce que c'est, des programmes qui sont trop durs. C'est n'importe quoi, comme tout ce que fait La République En Marche depuis qu'elle est là, quoi. Voilà. Votre prénom, c'est quoi? Moi, c'est Valère. Merci. Bonjour. Elle est pas là, Marie. Vous êtes lycéenne? Oui. Et vous êtes là devant le lycée Marcel Samba? Vous êtes du lycéenne dans ce lycée-ci ou dans un autre? Oui, de ce lycée-là. Ouais. Et du coup, vous rentrez pas aujourd'hui? Moi, je pensais qu'on allait peut-être bloquer, donc dans ce cas-là, je serais pas rentrée, mais là, je vais devoir rentrer pour une ou deux heures. D'accord. Mais après, je ressors quand je peux pour aller montrer mon soutien, par exemple, aux Bruyères. Parce qu'il y a un blocage du lycée des Bruyères qui se profile pour après. Oui. Ouais, voilà. Et vous, qu'est-ce qui vous voit pas dans la manière dont les choses se passent avec cette réforme du bac? C'est totalement mal organisé, ça met du stress aux élèves. Enfin, moi, personnellement, je suis en seconde, mais je connais quelques personnes en première et ils m'ont dit que c'était vraiment le bazar, quoi. Ni les profs ni les élèves ne savent vraiment à quoi s'attendre. Et surtout, c'est choisi par les professeurs, donc les sujets sont différents pour tous les lycées. Du coup, ça fait un peu de la compétition entre les lycées, et puis c'est pas du tout égalitaire. Donc le bac va devenir plus ou moins puissant en fonction de quel lycée on l'a eu. Donc, nous, on aimerait que tous les lycées soient égaux. Votre prénom, c'est quoi? Claire. Merci, Claire. Donc, pour tous les collègues et les camarades de l'Interpro, on va partir, donc on va remonter un peu la rue ici, on tournera à droite et on arrivera vers un petit quart d'heure donc devant le lycée des Bruyères.